Créant, créant, à 2000, à kilomètre-heure, kilomètre-heure, mais 94 caméras à faire, au piquet, au piquet, au piquet, au piquet, 9-4, manuqué, manuqué, Lyrix Magma, chopeau le pays d'Afrique, ramène le fric, car c'est jour de paye. On a la couronne et forcément ça pose problème. Rock, manuqué, ça tue, ça met. Tout ça c'est palais, ça vient du 9-4, connard. Je vis les mêmes histoires que vivent chaque jour 10 000 banlieusards. Allez, personne bouge, le cul et la tête sont le sol, le sang, la rue. De plusieurs manières et de façon de parler de mon vécu. 2000 et le nombre de rappeurs met à la demande aux enchères. Devine qui te prend tout le demande, va te démonter, c'est rough. Cherche MC, je sens quoi ce temps-ci. C'est ma haine qui te porte la haine ou quoi. Ça sourit de grimace, mon rap change les mines, tu vois. Fais péter la sono, ta mère ou ton tas sur moi. Y'a du charme dans l'air, hein, par-dessus tout ça, je tue ça. Ta femme trouve ça stylé, et c'est spontané. Fallait pas me sous-estimer, y'a de la rage à dépenser cette année. Faites pas la différence entre la merde et la puissance. Rentrez dans la danse, écoutez bien ce qu'on balance. La bourgeoisie à la délinquance, on a la conscience tranquille. Mais des kills, s'agit de kills, on fonce dans le mille. Triomphe de mille MC dans la mer qui pue. Nous on fait de la mer qui tue. Mais pas question qu'on se prostitue. T'es malade ou quoi? Et rappeur merdeux devant nous, tu fais pas le poids, on veut pas de toi, rentre chez toi. Rentre chez toi, déperment, manuqué, crayon. Rof, manuqué, on est des promets. Sur la musique, on se promet, et ça promet. Au rappeur, si t'as un problème, nous on promet. Que ce soit hardcore ou en sport, on a promet. Les retours en bobine, s'il te plaît, remets. Casque parmi les mecs qui se rendent tout permis. Ouais, je te permets. Rof, manuqué, on est des promets. Sur la musique, on se promet, et ça promet. Au rappeur, si t'as un problème, nous on promet. Que ce soit hardcore ou en sport, on a promet. Les retours en bobine, s'il te plaît, remets. Casque parmi les mecs qui se rendent tout permis. Ouais, je te permets. On a su être patient. Jamais baisser notre froc, l'an 2000 nous appartient, tu conscient que c'est notre époque. Poc poc, imagine ça partout en Europe. Dommage que je vais en Europe, ça ferait plaisir en Europe. Au Mac je boite des tops, c'est pour ça qu'ils mettent une crop. M'empêche, vous mettre une crop, mais je compte pas changer, il faut pas que tu trompes. Là c'est rough, artiste criminel, mets-toi ailleurs. Quand tu vois en balle, s'il te plaît rappeur, mets-toi ailleurs. Hein, avec ta femme, ma petite flower, I got the power. En tant que bonhomme physical, je lui mets le fire. C'est de la bonne connexion, donc fais-en collection. Style qui découpe, coupe toutes vos brochines pour l'an 2000. Ça sera crâne rasé qui brille, ou coupe au vol si on traque. Histoire de rafraîchir tes idées, parce que je sais pas ce qui trotte dans ta tête. On triomphe en direct comme un live à Wembley. Un drape foyer à LA, tout ça dure comme Bob Marley. Avec le mic, on frappe notre bras comme Grizzly. Vitry Orly, 113 au 2000, une zoo. Tu peux pas tester, fou toi, ça va pas, non. Yeah, c'est de la baston, ça c'est du gros canon. Ouais, gros. Ouais, grand, quand ça mouille, pas ça bande. T'es dégueulasse. T'as qu'à demander à tout le monde. Question rap de cité, authenticité. Nous l'exemple, ma fait qu'un flic. Le 113 clan représente. Prof, manuqué, on est des promets. Sur la musique, on se promène, et ça promet. Au rappeur, si t'as problème, nous on te promet. Qu'est-ce qu'on hardcore ou en sport, on a promet. Les retours en bobine, s'il te plaît, remets. Car sous parmi les mecs qui se croient tout permis, ouais, je te permets. Prof, manuqué, on est des promets. Sur la musique, on se promène, et ça promet. Au rappeur, si t'as problème, nous on te promet. Qu'est-ce qu'on hardcore ou en sport, on a promet. Les retours en bobine, s'il te plaît, remets. Car sous parmi les mecs qui se croient tout permis, ouais, je te permets. Prof, manuqué, on est des promènes. Sur la musique, on se promène, et ça promet. Au rappeur, si t'as problème, nous on promène. Que ce soit hardcore ou en sport, on a promet. Mes retours en bobine, s'il te plaît, remets. Car ce sont parmi les mecs qui se croient tout permis, ouais, je te permets. Prof, manuqué, on est des promènes. Sur la musique, on se promène, et ça promet. Au rappeur, si t'as problème, nous on promène. Que ce soit hardcore ou en sport, on a promet. Mes retours en bobine, s'il te plaît, remets. Car ce sont parmi les mecs qui se croient tout permis, ouais, je te permets. Va te fermer.